After Job avec Francky l'après-midi. Heureux de vous retrouver, 16h30 en direct du 96.2 FM. On est aujourd'hui le 5 octobre. Ça passe vite avec un temps un petit peu pourri dehors, mais bon, on est là dans les studios, on est bien. Puis notre invité qui vient juste d'arriver, on va l'accueillir dans moins de 10 minutes, c'est Jérôme Cohn dans les studios de la radio. Et ça me fait vraiment plaisir. Alors qui est Jérôme Cohn? Eh bien le directeur du CFA. Eh bien, il va nous en parler un petit peu plus dans moins de 10 minutes. Jesse Matador qui arrive pour le soleil justement, ça va vous faire du bien cet après-midi. Un rayon dans le sol sur le 96.2 FM, c'est Francky jusqu'à 18h30. Comme dans un monde qui tourne dans le vide, je décide ce soir de changer ma destinée. Quand tout s'effondre, arrive le signe, cette lueur d'espoir, l'envie de s'élever. Retrouver le sens de l'envie, redonner un sens à ma vie. Écoutez mon cœur, c'est essentiel, même si rien ne sera plus pareil. Attiser les flammes de la nuit, éloigner le feu de l'ennui. Faisons que nos rêves deviennent réels. Éloigner le feu de l'ennui, faisons que nos rêves deviennent réels. Sur l'arc-en-ciel. La météo. Et demain, on prend les mêmes, on recommence. Hein. Malheureusement, le ciel sera nuageux avec quelques averses en début de matinée. Les températures relevées du jour 12 degrés et on ne va pas dépasser les 15 degrés. Même chose pour l'après-midi, ciel très nuageux. Quelques courtes éclaircies, mais malheureusement, les averses seront bien présentes sur la région d'Orléans, Olivet, Saint-Jean-de-Bruy, puis j'en passe. Mais bon, on est là, l'invité qui arrive est Jérôme, qui est dans les starting blocks dans moins de 4 minutes sur Radio Arc-en-Ciel. Et puis le meilleur des souvenirs, un petit remix à la Francky, tiens, pour se rappeler des bons moments en discothèque, quand on dansait encore à l'époque. Voici Arrête à Francky, les Feng sur Radio Arc-en-Ciel. Freedom, freedom, freedom, freedom, freedom. arc-en-ciel. L'invité du jour, c'est maintenant. Ah, j'adore quand tout fonctionne bien, la technique. Et puis on l'accueille aujourd'hui, Jérôme Cohn. On dit Cohn. Bonjour Jérôme, excuse-moi. Je ne me suis pas trompé sur la prononciation du nom. Bonjour Francky, parfait. Jérôme Cohn. Oui. Et bien voilà, bienvenue sur Radio Arc-en-Ciel, Jérôme, directeur du CFA, Centre Val-de-Loire, on dit comme ça ? Du CFA, de la Chambre de Métier du Loiret. Et ben voilà, comme ça les précisions sont faites. Alors comment aujourd'hui on arrive à être directeur du CFA ? Il y a eu des études avant, alors c'est un peu le hasard, je sais pas. Une question simple pour expliquer. C'est un cheminement professionnel, étant moi-même un homme de projet, un homme de développement, un homme de challenge et de transformation. J'ai accepté de prendre la direction du CFA de la Chambre de Métiers en septembre 2017 afin de transformer cet établissement en un établissement de formation au métier traditionnel vers un CFA du futur, c'est-à-dire anticiper les métiers de demain. Justement, on en parlera du futur avec malheureusement le Covid qui nous envahit depuis plus de 7 mois. On en parlera juste à la fin de l'interview. L'apprentissage avec les jeunes. Alors aujourd'hui, les jeunes sont motivés pour l'apprentissage. Est-ce qu'ils sont toujours motivés en 2020-21 bientôt ? Alors les jeunes sont pour partie motivés. Cette année, nous rencontrons une difficulté particulière puisque nous n'avons pas eu l'occasion d'aller voir ces jeunes tout au long du printemps, là où vous avez l'habitude de les trouver, dans les collèges, dans les salons d'orientation. Et cette année, ils sont un peu manquants. Il faut savoir que nous avons 270 offres de places en apprentissage qui sont proposées par les entreprises qui jouent le jeu du pacte de relance. Mmh. Et nous aimerions bien trouver des jeunes motivés par ces métiers-là et nous essayons de les attirer. Il n'est pas trop tard pour les intéresser aux métiers de l'artisanat et à la pratique de ces métiers. Alors, est-ce que les jeunes sont vraiment intéressés par l'artisanat aujourd'hui? Parce qu'ils voient tellement de choses sur Internet. On voit des youtubeurs, par exemple. C'est un exemple. Attention, rien à voir. Mais, est-ce que la motivation est là par rapport à ces offres, justement, ces 270 offres sur la région? Les jeunes qui sont en apprentissage, nous avons un établissement qui compte plus de 1000 apprentis. Donc, déjà, qui est volumineux. Les jeunes, globalement, sont très intéressés, très motivés par leur métier. Une formation dans un métier, c'est pas simplement un CAP. On démarre par la préparation du CAP en 2 ans, mais ensuite on chemine au fur et à mesure de l'intérêt de son métier et on peut aller jusqu'à 5 ans, 7 ans d'études professionnelles en apprentissage pour devenir un professionnel d'excellence. On voit les pâtissiers, les boulangers, dans la restauration, les cuisiniers, dans le service, dans l'automobile, dans la coiffure, dans l'esthétique, autant de métiers que de voies d'excellence et d'occasion de vraiment prendre son pied et de se révéler. On parle notamment en France, en général, que par exemple sur les serveurs, on manque de serveurs, on manque de cuistots. Est-ce que c'est quoi ? C'est la motivation ? Les jeunes n'ont pas envie ou alors, ça les attire plus ? Il y a plusieurs choses sur les serveurs. Crucialement, on manque de serveurs parce que peut-être qu'on a eu tendance à dévaloriser ce métier. On parlait beaucoup d'heures de travail mal payées. Est-ce que c'est la réalité ça aujourd'hui, Jérôme ? La réalité du serveur, c'est un ambassadeur à la fois du chef, à la fois de la cuisine, à la fois des produits. Ce n'est pas un porteur d'assiette, c'est quelqu'un qui est l'interface importante et essentielle dans un restaurant. Le chef dans un restaurant, c'est celui qui crée le produit, mais celui qui est là pour vendre le produit, le valoriser, c'est bien la personne qui est au service. Le service est un métier passionnant. L'apprentissage dans les métiers du service c'est un moment passionnant et avec des évolutions de carrière extraordinaires. Les jeunes qui rentrent en apprentissage, qui se passionnent pour le métier du service, finissent très souvent dans des grandes maisons ou dans des grands palaces français. Il y a la place pour tout le monde, c'est toujours pareil. On confond le garçon de café et le serveur en peut-être restaurant. Peut-être qu'on mélange. Alors dans les années de nos parents, mes parents par exemple, la formation était pas pareille, on apprenait un peu sur le tas, sur le terrain, comme ça soit serveur ou ébéniste ou menuisier, je sais pas, c'est des exemples parmi tant. La formation a changé. Avant on apprenait sur le tas, maintenant c'est plus trop tout trop, à fait. Pour plusieurs raisons. La première chose, je suis pas opposé à la formation sur le terrain. La preuve, l'apprentissage, c'est un temps de formation qui se répartit à la fois dans le centre de formation, mais également dans une entreprise. Donc c'est la preuve que la formation sur le tas était un bon élément de formation qui fait toujours partie d'une partie de l'apprentissage. Maintenant, tous les métiers se sont complexifiés de par la technologie qui est venue dans les métiers, de par les notions de réglementation, et tout cela a nécessité que les temps de formation soient un peu plus calibrés, un peu plus cadrés, et ce qui explique que ces formations finissent par être des vraies formations d'excellence. Nous avons des besoins effectivement dans les métiers de la restauration et du service, mais nous avons des, par exemple en boucherie, il faut savoir que dans le département, il y a 17 places d'apprentis bouchers disponibles. Ben je salue Benoît Billard qui est boucher qui nous écoute à Fleury-les-Aubrais, mon ami Benoît. Ouais. Il est au pâturage, je crois, dans la zone de Fleury. Ouais. Salut mon Benoît. Et là, il y a vraiment des possibilités pour les jeunes, pour les familles qui nous écoutent, de convaincre les jeunes à s'intéresser à ces métiers. Le CFA de la Chambre de Métiers est à disposition de l'ensemble des familles et des jeunes pour leur faire découvrir. Nous avons des dispositifs d'immersion pour leur permettre de regarder, de toucher. D'intégrer la boucherie, D'intégrer ou pas d'intégrer. De simplement se rendre compte, est-ce que c'est un métier pour moi? Est-ce que ça m'ouvre des horizons? Est-ce que ça, c'est un métier qui peut m'intéresser? Mais justement, les jeunes, par rapport au regard des autres entre eux, tu veux être boucher? Ils se regardent entre eux, oh non, moi, boucher, non. Alors ça, c'est ancien. C'est l'ancien. On disait le jeune boucher en discothèque, il n'a pas intérêt de dire qu'il est boucher. Ouais, c'est ça, sinon il peut pas emballer. Mais c'est fini maintenant. Il dit qu'il est maintenant, regardez. Puis ça a évolué. Les boucheries, elles ont évolué. Hein. Les jeunes, les plus âgés, tout le monde recherche de l'authenticité. Aujourd'hui, on se rend bien compte que la notion d'authenticité, d'artisanat au sens non industriel des choses, est quelque chose qui intéresse tout le monde. Tout le monde est impressionné, reste fasciné par la capacité de quelqu'un à transformer une viande, à transformer une charcuterie, à faire un gâteau, à faire un entremets, à faire du pain. Donc aujourd'hui, les métiers manuels sont en vogue. Ouais. Il faut simplement que les jeunes en soient convaincus. Nous sommes là pour les accompagner pour cela. Alors quelle est votre force aujourd'hui pour les convaincre en mode de communication justement. Alors, c'est très compliqué cette année parce que malheureusement, le Covid est passé par là. Salut le Covid. mais il a offert une chance inespéré pour nos établissements. La digitalisation, le numérique, il a fallu. Nous avons pris un coup de pied au derrière. Les jeunes, ils aiment ça. Voilà. Et nous sommes rendus sur les lieux où ces jeunes sont. Première chose, sur le site du CFA de la Chambre de Métiers, donc www.cfacm45.fr, vous arrivez, vous avez une visite virtuelle en 360 degrés du CFA. Ça, ils aiment bien, les jeunes. Ça, vous allez voir, vous découvrez une première force de métier. Deuxième chose, le week-end prochain, nous participons au premier salon virtuel et digital qui sont les artisanales de Chartres. Est-ce qu'ils adhèrent à ça? On va voir ce week-end, mais c'est une expérience inédite. C'est que nous sommes présents sur ce premier salon complètement, cette foire, qui est une foire, générale, et qui, cette fois-ci, va être virtuelle. C'est une foire qui a attiré plusieurs dizaines de milliers de visiteurs en réel. Et là, nous allons être présents, nous allons présenter nos métiers, nous allons voir. Nous avons préparé un programme, chaque jour un métier, et nous verrons bien, mais nous faisons le pari de cette nouvelle façon d'aller vers les familles, d'aller vers les jeunes. Est-ce que le virtuel est vraiment gagnant par rapport au contact humain, c'est-à-dire le patron, le jeune, ils peuvent se voir, se parler? Le virtuel, il nécessite derrière, c'est une première étape, il nécessite derrière une passerelle vers le réel, vers le contact important. Et donc j'invite tous les jeunes, s'ils sont intéressés par un métier, à aller voir, s'ils sont intéressés par la boucherie, s'ils sont intéressés par un métier, à aller voir les artisans et aller leur demander s'ils sont en recherche d'apprentis. Et je suis persuadé que derrière, il n'y aura pas beaucoup d'échecs, parce qu'un jeune qui montre une motivation à faire, il y va. Et les entreprises alimentaires, les entreprises globalement, sont demandeuse d'apprentis, puisqu'on a 270 offres qui sont actives là aujourd'hui, à 7 heures, et où il manque 270 jeunes pour mettre en face. Ouais. Bah, tu parles de ça justement, les parents qui nous écoutent, ou les jeunes, bah, peut-être au bahut encore, mais les parents qui nous écoutent, sur les 270 offres, quelles sont les offres les plus demandées aujourd'hui? C'est quoi le service, la boucherie, comme tu disais, je sais pas. Nous avons principalement le service de restauration, nous avons la boucherie, nous avons l'automobile. Ah, les voitures, les mécaniciens, c'est ça? Ouais. Oui, alors mécanicien, carrossier, mais nous avons aussi... Carrossier, c'est très compliqué, on m'a dit, j'ai un pote qui est carrossier, et souvent il appelle la radio parce qu'il recrute des carrossiers ou des apprentis, et il a du mal. Les pâtissiers recrutent aussi. Ah, les gâteaux. Les boulangers recrutent aussi. Ouais. Les charcutiers, traiteurs, c'est un magnifique métier. Mais, ouais, justement, on parle de charcutiers, traiteurs, on parle de service en ce moment, en mode Covid, malheureusement, beaucoup de restos, beaucoup de charcutiers, traiteurs ne prennent plus, ou alors ne prennent pas de jeunes parce que, bah, justement, le métier va mal, comme beaucoup de métier aujourd'hui. Hein. Alors, c'est pas exactement cela. Ouais. Parce que nous avons cru à la sortie du confinement que nous allions avoir un effondrement du nombre d'apprentis. Et les entreprises jouent le jeu. Les charcutiers traiteurs, pas le traiteur d'événements qui est encore Bien sûr, un autre métier. Mais le charcutier traiteur, le boucher, le pâtissier sont des personnes qui ont travaillé pendant le confinement et qui ont permis de réapprendre à la clientèle qu'ils existaient, et ce sont des métiers qui sont plutôt en évolution. J'épargne là, effectivement, des professions qui sont en très mauvaise situation. C'est toutes les professions qui sont liées à l'événementiel et pour lesquelles, effectivement, il est normal qu'il y ait un coup d'arrêt sur l'apprentissage, puisque il faut déjà que ces professions elles-mêmes puissent se sortir de la situation dans laquelle elles sont. J'ai des amis qui tiennent un bureau de tabac. Ils ont une fille qui cherche un stage en boulangerie. Ils ont du mal à trouver et ils ont tellement de mal à trouver qu'aujourd'hui ils ont été obligés entre guillemets de la prendre au bureau de tabac pour qu'elle travaille, la pauvre, parce qu'elle n'arrivait pas à trouver de boulanger qui veulent la prendre. C'est un truc de fou quand même. Oui, mais il y a les dispositifs. Il ne faut pas hésiter, les familles, à contacter le centre d'aide à la décision de la chambre de métier qui va prendre les demandes et qui va les rediffuser. J'ai par exemple un glacier orléanais qui cherche au moins une, voire deux vendeuses. Ah oui. Donc il y a, je vous dis, 270 offres à l'heure. Juste avant que je vienne, j'ai extrait les offres actives, 270 offres sur lesquelles nous n'avons pas en face de jeunes à positionner pour le moment. Okay. Et donc c'est important dans tous ces métiers, donc que les jeunes, que les familles n'hésitent pas à aller sur le site des artisanales de Chartres pendant le week-end, à solliciter le centre d'aide à la décision de la chambre de métier, aller dans des structures type mission locale et autres. Il y a véritablement, nous le faisons savoir, il y a véritablement des débouchés en apprentissage actuellement. Non, on parle d'internet. Il y a pas un numéro où on peut joindre, parce que des fois les familles préfèrent téléphoner, genre une ligne 0800, en disant bah moi je cherche ça pour mon fils ou ma fille. Non. Alors je vous donnerai un numéro que vous pourrez mettre sur le site de la radio. Par contre, je suis pas favorable. Pourquoi? Parce que comme il y a des embouteillages sur ces plateformes téléphoniques, ça finit par agacer parce qu'il y a des encombrements sur ces lignes. Rappelez plus tard. Et alors que le site et l'adresse mail, au moins les personnes sont rappelées. Ils posent une question, ils posent une candidature, ils peuvent voir un certain nombre de choses, ils peuvent faire un certain nombre de démarches. Et ça, alors je suis pas pour la déshumanisation, mais je pense qu'à un moment donné, Internet aide à l'humanisation et que le téléphone, les plateformes téléphoniques aujourd'hui contribuent à une forme de déshumanisation. Ouais, c'est vrai. Moi le premier d'ailleurs. on est vraiment heureux de te retrouver aujourd'hui avec cette bonne humeur, Jérôme Cohn. Je voulais remercier les enfants, enfin les jeunes du CFA qui nous ont fait des gâteaux. Super bon. On va les manger d'ailleurs avec toi et puis mon Ludo qui est là dans les studios. Comment on va parler du Covid, malheureusement. On voit ça depuis 7 mois, plus de 7 mois même. Comment s'est passé justement le déconfinement? Bon, le CFA a été confiné comme tout le monde, et après le déconfinement, est-ce que ça a été compliqué à gérer? Ça a été compliqué, mais la première chose que l'on note, c'est que les jeunes qui reviennent au CFA ont été, comme les adultes, traumatisés. Oui, comme beaucoup de gens, c'est vrai. Ils ont été traumatisés et sont beaucoup plus disciplinés, sont beaucoup plus, dans un moule de respect à la fois de l'autre, à la fois du site, à la fois du matériel. On sent qu'il y a eu un étage supplémentaire de maturité. Justement, est-ce que le confinement n'a pas aidé? Alors, il a aidé à cela. Par contre, il a déstabilisé. faut quand même se rendre compte que globalement, les jeunes ont arrêté, c'était les vacances de février, c'était le retour des vacances de février quand le confinement est arrivé. Mmh. Donc globalement, ils se sont arrêtés fin février pour reprendre en septembre. Ouais, ça a été compliqué. Puisque quand il y a eu le déconfinement, on a progressivement repris les jeunes, mais sachant qu'on est arrivé du mois de juin à fin juin, 4 semaines, ouais. Ça fait quand même pas beaucoup, c'est sachant court. Que voilà. Donc ça n'a pas été une bêtise un peu de reprendre comme ça, juste 3-4 semaines. Dire on revient 3 semaines et on repart. Nous on a privilégié les jeunes qui étaient en totale déconnexion, c'est-à-dire on a essayé de sauver les situations. Maintenant aujourd'hui il est clair que on doit réfléchir avec nos équipes pédagogiques du CFA à adapter un dispositif qui permette de rattraper le temps perdu, parce qu'il est clair que les jeunes ont perdu du temps, ont perdu des acquis. Nous avons assuré en digital un certain nombre de classes. Il y a eu plus de 404 classes digitalisées. Mmh. Cependant, un jeune qui suit un cours, la seule manière à partir... Alors, on a installé des bancs de prise de vue et de prise de filmographie pédagogique. Le problème, c'est que le jeune, c'est théorique, tout ça. C'est ça. Et qu'ils ont perdu un certain nombre d'éléments de pratique, même si on a essayé d'assurer au maximum. Mmh. Puis après, il y a une question de moyens. Vous avez des jeunes qui sont très bien accompagnés et qui ont eu les moyens d'acheter de la matière pour suivre le cours chez eux dans la cuisine, et d'autres qui ne l'ont pas. Et voilà, donc tout ça, je pense que le Covid a peut-être encore attisé les différences sociales. Ouais. L'après-Covid, on le voit comment aujourd'hui, Jérôme? On navigue à vue, chaque jour. Sur le long terme, tu vois ça comment? Parce que là, on annonce quand même quelques fermetures sur région parisienne, hein, des restos, des bars qui vont fermer, qui sont limités. La restauration a sauvé son épingle du jeu. Les restaurateurs se sont beaucoup battus, et à juste raison, parce que le processus sanitaire dans les restaurants est particulièrement bien respecté. Qu'il y ait un carnet aujourd'hui pour tracer les clients, pour remonter en cas de contact, c'est une bonne chose. Ça se fait dans d'autres pays. Mmh. Donc finalement, ils ont assez bien... en espérant que ça se poursuive et que ce soit un effet positif. Pour les bars, c'est plus compliqué parce que les bars, c'est très compliqué. Il y a le bar qui est simplement un bar de PMU, où on peut boire un petit café, tranquille. Là, qui fait éventuellement un peu de repas ou de sandwich à midi. Puis après, il y a le bar, le pur bar de nuit ou le pur bar d'agrément, qui ouvre en fin d'après-midi et qui est pas obligé d'aller jusqu'au lendemain matin. Et là, c'est très compliqué. Et je pense que effectivement, la suite des semaines à venir. On la connaît pas. En fait, on travaille au jour le jour. Je pense qu'il faut faire preuve, et c'est ce que nous faisons dans notre CFA. Nous respectons les consignes. Nous faisons preuve de pragmatisme. Mmh. Et nous essayons d'être cohérents. C'est-à-dire de nous dire, qu'est-ce qui se passe? Comment on réagit de façon le plus cohérent et le plus juste possible? Depuis le démarrage de la crise, avant même le confinement, c'est la position que nous avions prise. Et nous avons plutôt été assez anticipateurs. Oui. Maintenant, on ne sait pas quelles sont les décisions qui vont être prises. On souhaite que chacun soit raisonnable et que le plus possible, les uns et les autres respectent les consignes à minima pour essayer de calmer les choses. Est-ce qu'on imagine un reconfinement? Tu imagines, toi, les jeunes qui sortent de déconfinement, qui ont bossé un petit peu, qu'on fasse... On commence à voir, j'ai commencé à travailler avec mes équipes aujourd'hui, puisque les universités sont amenées à travailler à mi-charge, à mi-jauge. 50%, c'est ce que disait Monsieur Macron, à mi-jauge. Alors à mi-jauge, si mon établissement doit travailler à mi-jauge, ça veut dire que je dois repenser les choses. Ça veut dire que je dois à nouveau privilégier le distanciel, c'est-à-dire les outils digitaux et l'accès. Donc nous avons mis cette année en place quelque chose qui est maintenant récurrent dans l'établissement. Chaque apprenti, dès qu'il démarre son année, se voit attribuer une adresse mail de l'établissement. D'accord. Automatiquement, chaque apprenti est relié à une capacité digitale. Il est géré, hein. Voilà. C'est ça, quand le Covid est arrivé, nous avons entamé un appel téléphonique sur les 1000 apprentis. Nous en avons joint 780. C'est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal, mais nous avons constaté que 60% des jeunes n'avaient pas une adresse mail fixe. C'est-à-dire pour eux, l'adresse mail, c'est fait. Les parents, souvent. Et les parents, oui, mais c'est compliqué parce que voilà. Puis les jeunes aiment bien un peu leur indépendance aussi. Hein. Donc on a créé autant d'adresses mail que de jeunes, et nous sommes en train de les éduquer à l'importance d'une adresse mail, au rôle administratif et de l'adresse mail, et que ça fait partie des choses qui sont fondamentales pour pouvoir évoluer administrativement dans la société d'aujourd'hui. Et ben, en espérant qu'on soit pas reconfinés, hein, parce que, franchement. On le souhaite tous. Je vais te laisser le dernier mot. Tu as d'ailleurs les paroles en direct sur Radio Conseil 96.2 FM. Jérôme Cohn, qui est le directeur du CFA. Je te laisse le dernier mot de la fin, si tu veux, ou ce que tu veux. Voilà. Je te laisse. Je dirais que l'apprentissage, c'est la porte, dans l'artisanat, l'apprentissage, c'est quelque part une graine d'entrepreneuriat. On est apprenti, et si on a envie, on peut devenir chef d'entreprise, créateur d'entreprise, et c'est une formidable école, c'est une école d'excellence et une école de vocation. Alors, l'apprentissage dans l'artisanat, c'est une voie d'avenir. Ben là, tu vois, je crois que tu viens de motiver quelques familles, quelques parents, quelques jeunes qui écoutent la radio, parce que quand ils entendent « on peut devenir boss, on peut devenir patron, on peut avoir sa charcuterie, sa boulangerie, ou alors son resto », et ça, c'est la réalité des choses. Et moi, je le confirme, ben, je suis pas dans la même branche, mais j'ai commencé en bas de l'échelle, et j'ai réussi à faire quelque chose. Bon, maintenant, on est stoppé par le Covid, malheureusement, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, on est là, on est motivé. Jérôme Cohn, merci d'avoir été notre invité aujourd'hui sur Alarc-en-Ciel. Merci Francky, c'est un plaisir. Et ce qui serait bien, c'est que tu reviennes de temps en temps. Alors, on est en train de préparer une émission ensemble. Alors, j'en ai parlé à la direction, ils sont OK. On va vous préparer une émission culinaire, si je me trompe plus. Ou Gastronomie culinaire, voilà, bah ouais, ça va aller avec. On aura peut-être des bons plans à vous filer. Merci Jérôme Cohn, l'invité de Radio Conseil aujourd'hui. Bientôt 17h. Et puis, on vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Pour ceux qui sortent du bureau, par exemple, eh bien, soyez prudents sur la route parce que ça glisse. Il y a eu quelques accidents sur la tangentielle, donc soyez très prudents. After Job avec Francky l'après-midi. Avec Francky l'après-midi, et voici Nicky Jam. Besos en el cuello pa' calmar la sed. Mi mano en tu cadera pa' empezar. Como ves, no le vamos a bajar más nunca, mamá. Ba-ba-ba-ba, baila, placata, placata. Como ella lo mueve, sin parar, sin parar. Las ganas de comerte, ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar. Appelle le 02 38 43 48 00.

L'After Job avec Francky, c'est tous les lundis et mardis sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Appelle le 02 38 43 48 00. Torito. Pero de repente todo cambia, te hago falta a ti. Avec de la bachata, ça fait du bien. Bachata Haze, mes poils de matin. Et puis, forcément, là, ça va vous rappeler de très bons souvenirs. Et un titre que j'affectionne et que j'adore, en 1986, We Are The World, le collectif. Somewhere soon make a change. We are. les dates d'artistes là, hein. 28 stars sur scène et j'adore. We Are New 1986, USS for Africa, on est dehors. Et puis je suis en train de manger les gâteaux là des jeunes du CFA, franchement, on se régale dans les studios, c'est un truc de malade. Merci au CFA et merci au directeur d'être venu, Jérôme, dans les studios de la radio. Un bon régal, voici Cachou et puis Alejandro Fernandez qui arrive. Dis-moi vraiment ce que t'attends de moi. Tu m'as vu, je t'ai vu, mais quand est-ce qu'on se voit? Je te sers de bouger, tapis dans le noir. Je veux bien essayer à prendre quelques pas. Hey, tu aimes te déhancher. Ouais, tu aimes danser. Ça se voit. Tu aimes te déhancher. Ouais, tu aimes danser. Sur ton chemin, tu les ignores, attends toi t'es sans gêne. Sans sommation t'envoie dans le coma. Et tes victimes se comptent par centaines. Pas la peine de tenter de m'assommer. Il ne faut jamais dire fontaine. Pour l'instant je t'ai pas promis le sommet. Je t'ai juste proposé un cocktail. Et de Panama des KO. T'as les cartes à au KO. Doucement, doucement, juste au KO. Ce soir je ne serai pas ton pao. Et de Panama des KO. T'as les cartes à au KO. Doucement, doucement, juste au KO. Ce soir je ne serai pas ton pao. Tu aimes te déhancher. Ouais, tu aimes danser. Ça se voit. Tu aimes te déhancher. Got you, got you. T'es seul dans ta chambre et tu twerk. Attends. Baby, I got you. Baby, I got you. Baby, I got you. Hey, got you, got you. Hey, hey, got you, got you. Hey, got you, got you. Hey, hey, got you, got you. D'ailleurs, je ne sais toujours pas ce que ça veut dire, Cachou. Si vous avez la réponse, 02 38 43 48 00. Et la météo pour demain. La météo. C'est vrai, ça veut dire quoi, Cachou, Cachou? Bah, appelez-moi 02 38 43 48 00. Demain, eh bien, on prend les mêmes. Et on recommence le matin, des nuages avec quelques éclaircies, mais très courtes, hein. Quelques averses aussi. Les températures au lever du jour, entre 8 et 12 degrés. L'après-midi, bah, le ciel est encore nuageux, menaçant. Quelques averses très faibles. Les températures entre 12 et 15 degrés. Voilà. Donc, demain, bah, le parapluie. Et c'est super important, le parapluie, je peux vous le dire. Moi, j'en ai acheté un ce week-end. Et ben, je crois que c'est la première fois que j'ai un parapluie d'ailleurs. After Job avec Francky l'après-midi. Que ya no quiera verte aunque por las noches me esperes. Que ya eres una más y en el mundo hay tantas mujeres. Sé que te duele, ay cómo te duele. Que te quedaste sola y que no soy el que te quiere. Que no puedes mentirme, que ya sé bien quién eres. ¿Cómo te duele? Tú te enamoraste de mi voz. Y aunque siempre estuve contigo, tú nunca estuviste conmigo. Y ahora que por fin te dije adiós, hoy quieres quedarte conmigo. Ya no quiero nada contigo. Sé que te duele. también me duele. En cada noche una razón para quedarte junto a mí. Todo te di en la batalla del amor. Sé que he peleado con honor. Te lo di todo y lo perdí. Yo te lo di todo y lo perdí. Tú te enamoraste de mi voz. Y aunque siempre estuve contigo. Quieres quedarte conmigo, ya no quiero nada contigo. Sé que te duele, saber que mis canciones y nuestro amor ya no riman. Que aunque de amor te mueras, nuestros recuerdos aún vivan y te persigan. Sé que te duele, que vayas en las noches enamorando mentiras, porque con ese clavo también me duele, oh, oh, oh, oh. También me duele, oh, oh, oh, oh. También me duele, porque te quise tanto y aún el amor no se muere. Y aunque quiera mentirte, siempre seré el que te quiere. Ay, cómo me duele. Sé que te duele. Qu'est-ce qu'il est bon ce titre, Alejandro Fernandez, 17h29 minutes. Et puis un titre que vous affectionnez aussi à la radio depuis 4 ans que je suis là, et celui-là vous l'adorez, mon poteau, le parisien Rodrigo Hayes, avec la prise de Patrick Bruel sur La Pensée pour Gaël de Loury. I love you, 17h30. Je ne suis pas un frein à nos histoires.

sabes que eu gosto do teu jeito. Pra mim tudo é perfeito. Du boulot, malgré la pluie, on est là avec le petit rayon dans le sol. Ça vous fait du bien, comme nous dit Steph du côté de Saint-Jean-de-Bray. Merci, Francky, ça fait du bien au moral. Et ouais. After Job avec Francky, l'après-midi. Et je vous ai préparé une playlist ensoleillée cet après-midi. L'après-midi. Pa' un mal, está dura y abusa. Se cansó de ser buena ahora.

Appelle le 02 38 43 48 00. Radio Arc-en-Ciel avec George Michael, Fats Love. Et puis hier on a aperçu une trottinette électrique sur la tangentielle. Un mec sur la tangentielle, limité à 110 km/h en trottinette. Strictement interdit, hein. Faites gaffe quand même les mecs, merde. Camaleon. Radio Arc-en-Ciel, 96.2 FM. original du film Fast and Furious 5, Lucenzo Donomar, Vendasa Kuduro. Et puis l'artiste qui arrive, est le Jamaïcain, né en 1948, 72 ans, c'est beau. Voici le son Reggae Night en 1981 avec du Caliente. L'après-midi. ce petit passage là. Alicia Keys en 2007. Eh, ça passe hein, 2007. Waouh, de toute façon c'était hier. Eh ouais, en mode Covid, mais non. On est là dans les studios, on est bien avec vous. Demain, la météo est pas terrible, hein. De la pluie encore, du soleil, des nuages, de la pluie. 12 degrés au lever du jour et on va pas dépasser les 15 degrés l'après-midi, donc parapluie demain, achetez-vous un bon vieux parapluie à l'ancienne, un petit remix carré, Luis Fonsi, Justin Bieber et Coco Jumbo, remix Despacito. After Job avec Frankie l'après-midi. Thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly. Let me tell them, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you never lie, my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last so long. Despacito, para que te diga cosas al oído, para que recuerdes si no estás conmigo. Despacito, para que me dé besos despacito, como las paredes de tu laberinto, hacer que mi cuerpo todo un manuscrito. Despacito avec ce petit remix sympatoche Coco Jumbo dans les années 90. Je vous retrouve demain et puis rendez-vous 17h. Je vous souhaite une bonne soirée. RDP International, 18h20, Coco Jumbo 2020, et ça fait du bien, et au Portugal.